yeux couleur de laine. Brume comme une plage au matin. Vieux dimanche avec mon chien. Elle aurait voulu naître brune. Ici.